mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Bienvenue dans Comment ça va ? Le podcast qui prend de tes nouvelles, qui brise un peu la solitude, essaye de te déconfiner et de t'emmener voir et écouter ailleurs. Chez le voisin, la voisine et chez ceux que tu ne connais pas. Si on commençait à aller se promener du côté de chez Swan, voir comment ça se confine, comment ça se passe chez les autres, dans leur tête, à quoi ils pensent tous derrière leur porte close ? Eux aussi, vous pensez qu'ils sursautent maintenant quand on sonne à leur porte ? Thomas, 19 ans, nous ouvre grand la fenêtre de sa chambre, qui sent un peu l'ado pas lavé depuis 3 confinements. Une fin d'année bien chargée se profilait pour moi. Partiel, vacances. Et puis cette épidémie est venue filtrer le quotidien de tout ce qui l'enrichit. Le baby-boomer que je suis n'a jamais connu une telle situation. Elle fait naître un paradoxe qui m'a tout de suite sauté aux yeux. À mon âge, on mène une vie intense, rapide. Et pourtant, de force, il a fallu ralentir. Ralentir ce virus. La chance de vivre en bonne santé dans une grande métropole de notre territoire me permet de mener une vie pleine de rencontres, de travail, d'expériences. Ce qui nous fait grandir, j'en suis convaincu, c'est le contact avec l'autre. Voir ses proches, ses amis, sans rien calculer, dans l'insouciance. Chaque jour, j'utilise les transports. Je sors, je serre des mains, j'embrasse, j'enlace. Et tout ça, il faut l'arrêter aussi. La cadence et le rythme de mes journées est fort. Une vie d'étudiant qui, par la fragmentation des périodes de cours et de vacances, accélère encore cette valse. Mais la chute est lourde. Tout est allé trop vite. J'ai vu le nombre de cas grandir aux infos, des courbes rouges s'enflammer sur ces graphiques de la peur. Le virus gagne du terrain, comme le disent les spécialistes sur TF1, BFM TV. Et moi, je suis rentré en province. Dans le calme et la sérénité de mon village, loin de la foule déchaînée. Et c'est un coup d'arrêt, oui. Un coup d'arrêt. C'est comme ça qu'a sonné la demande de confinement total du 16 mars. Ne plus voir loin, mais simplement attendre le lendemain. Mais c'est être hypocrite que de dramatiser la situation que je vis chaque jour. Ce confinement, c'est le temps de reprendre le temps. Je me suis installé dans ce quotidien comme dans mon canapé, bien confortablement. Le soleil vient nous rendre visite et c'est une invitation pour de longues parties de pétanque en famille. C'est le moment aussi de se repencher sur les amitiés, les amours, les membres de la famille. En tout cas, on continue d'entretenir ce lien. On continue à parler, à s'envoyer des vannes, parler de son train-train quotidien avec tout le monde. Le soir, pour moi, c'est le rendez-vous. Je retrouve mes amis au bar, le FaceTime. Et tous derrière nos écrans, on savoure ces bières du confinement en se disant « Vivement la fin, ah tu vas voir quand on va se revoir ». On se rend compte que tous ces moments vécus ensemble ont créé des amitiés fortes qui n'ont qu'une hâte, c'est de se replonger dans de nouvelles aventures. Ces moments, c'est unique dans une vie. Un confinement, c'est vrai, on le vit pas tous les jours. Et c'est le temps de rire sur des situations exceptionnelles. Sur les réseaux, on voit que ce qui fait la richesse de l'homme, la créativité, n'est pas atteinte de ce maudit virus. Musique, sketch, pullule, partout. On y voit par exemple un garçon à son balcon refaire la célèbre émission « Question pour un champion » avec les locataires aux fenêtres de l'immeuble d'en face. C'est assez drôle. Comment s'accabler de ce confinement alors que je passe mon temps à jouer avec Alex, avec Fanny, avec papa, avec maman? Je prends le côté positif de ce confinement et je le garde pour moi, avec moi, comme un porte-bonheur. Les jours passent vite, je vous l'assure, quand on reprend le temps de s'asseoir sur un banc et de regarder le ciel. Je sais, j'ai l'air con certainement, mais je regarde ce qui m'entoure et le spectacle est assez divertissant. Oui, je vais pas vous mentir, on passe le temps différemment et ça convient pas à tous. Rester entre quatre murs quand la vie ne demande qu'à reprendre, c'est pas simple. Mais je garde en tête cette petite phrase, liberté chérie, on se retrouvera un jour. Quelle philosophie déjà à son âge, vous trouvez pas ? Bon, et qu'est-ce qu'ils en pensent les profs dans tout ça ?